Dans la maison que tu occupes habituellement, je t'ai cherché ce matin. Tu n'y étais pas. Mais cette odeur me chatouillait les narines. C'était l'odeur de tes chaussettes qui puent. Et devant ta maison, oh, tu n'es pas égoïste. Sur le fil à linge, tu avais accroché gaiement tes chaussettes qui puent. Te vexe pas, j'aime bien moi quand ça pue. Et je suis rentrée chez moi ce matin. Toujours cette odeur, ton odeur animale qui me suivait, qui m'imprégnait. Et j'ai découvert dans mon frigidaire un crocodile, oui, un crocodile, tout gros, tout vert, dans mon frigidaire. Et il me regarde, et il pue encore plus que toi. Thank you.